À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, Félix Jesús Velázquez Castillo, coordinateur général du secrétariat fédéral du Parti de gauche uni de Venezuela, lui a offert un présent. Il a transmis le 17 courant à l'ambassadeur coréen dans son pays. Par ailleurs, Faisal Al-Thuaimi, président directeur général de la compagnie des travaux contractés et du commerce Ahmadiyya du Koweït, offert un présent au maréchal Kim Jong-un.